L'écomobilité, c'est choisir des modes de transport moins polluants, moins dangereux et émettant moins de gaz à effet de serre que la voiture individuelle. Adopter le covoiturage, l'autopartage, les transports en commun favorisent une réduction d'émissions de CO2. Donc, être écologiquement mobile, c'est choisir de se déplacer en bus plutôt qu'en voiture, et à plus forte raison, choisir le vélo plutôt que le bus. Évidemment, de nombreuses contraintes peuvent contrarier un choix. Réponse A et C.